Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 9. Piller l'uranium. L'intervention des forces armées françaises au Mali en 2013 soulève la question des intérêts nourris par les pays étrangers dans la région subsaharienne, dont la France. L'énergie est bien souvent le nerf de la guerre et la France produit 80% de son électricité par l'intermédiaire de centrales nucléaires. C'est un cas unique dans l'économie mondiale. La moyenne mondiale est de 18% aujourd'hui. Il lui faut donc de l'uranium pour les faire tourner. Il n'y a pas de site d'extraction d'uranium à ce jour au Mali. Mais cela fait depuis plus de 40 ans que la société Areva prélève à Arlit au nord du Niger l'essentiel de l'uranium utilisé en France dans les centrales nucléaires. Et le nord du Niger partage ses frontières ouest avec la région de Kidal et de Gao au Mali. Les mouvements de population nomade sont importants entre ces zones et ce depuis toujours. Les interactions entre ces régions sont évidentes. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Si je n'avais pas entendu moi-même cette phraséologie s'étaler à la télévision française, j'aurais eu peine à croire à une telle insolence. La presse française épaule sans la moindre critique, pour l'essentiel, tous les comptes rendus militaires. Le Monde, quotidien libéral de gauche, aussi bien que Libération qui se prétend plus engagé. Il faut donc impérativement énoncer ce que de toute façon chaque personne informée sait depuis longtemps. La France dispose d'intérêts économiques non négligeables en Afrique de l'Ouest. Le plus stratégique d'entre eux est l'uranium du Niger, exploité par Areva, qui alimente plus d'un tiers des centrales nucléaires d'EDF. Mais Areva espère pouvoir exporter son expérience du Niger au Mali, car les formations géologiques se ressemblent beaucoup dans les deux pays. Areva avait donc de fermes projets d'avenir au Mali. Mais voilà que les djihadistes, en occupant le nord du pays, opposaient un frein au développement de ces plans des plus profitables, que l'intervention de l'armée française va désormais se charger de rétablir en exterminant les gêneurs. Dans les comptes rendus occidentaux, les gisements d'uranium sont systématiquement planqués sous la table. Mais la France dépend, en tant que puissance atomique et pays nucléarisé, de son approvisionnement en uranium. Sa dépendance vis-à-vis de ces contrées n'en est que plus forte. Il n'existe pas encore d'exploitation minière dans le nord du pays, mais de considérables richesses naturelles, surtout en uranium, affirme l'experte africaine Yael Arsan en Azawad, le pays des nomades selon l'appellation Touareg du Nord Mali. Des gisements d'uranium se trouveraient entre Gao et Kidal. Peut-on donc encore s'étonner qu'il faille libérer aussi bien la région Sise autour de Gao et de Kidal que de Tombouctou pour assurer l'unité du pays? Outre l'uranium assurément objet du plus brûlant intérêt pour les trusts français et qui revêt pour l'avenir de l'industrie nucléaire de la France une importance capitale, on trouve encore au nord du Mali des phosphates, du gaz, du pétrole et de l'or. Les phosphates se font de plus en plus rares dans le monde. Et l'industrie agricole en a besoin car ils servent à produire des engrais. Et ce Mali paupérisé est déjà de nos jours le troisième producteur d'or d'Afrique. Remémorons-nous au Niger l'enlèvement de 7 employés d'Areva et de la Satom, qui est une filiale du groupe Vinci. Je le rappelle, le 16 septembre 2010, cet enlèvement a été revendiqué par ACMI. Pour rappel, ACMI a vu le jour quand le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie, groupe à l'action localisée en Kabylie à ses débuts, a rallié le mouvement international Al-Qaïda en septembre 2006. Ce groupe s'est ensuite transformé en organisation d'Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, c'est-à-dire ACMI, en janvier 2007. Le GSPC était déjà connu du grand public à travers l'enlèvement d'une trentaine de touristes, mais c'est clairement à partir de son adhésion à Al-Qaïda que le groupe est devenu une menace pour l'Europe et ses intérêts placés en Afrique. Quand l'enlèvement des employés d'Areva et de la Satom se produit au Niger, l'opinion publique française semble soudainement réaliser l'existence de ce pays. Beaucoup ignoraient certainement qu'une bonne partie de l'uranium utilisé dans nos centrales venait du Niger. L'opération Commando menée sur le site d'Arlit révélait les enjeux liés à la protection des intérêts investis par la France, 7e puissance mondiale, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. La présence d'ACMI dans les pays du Sahel entraîne un climat d'insécurité certain par rapport à l'exploitation de l'uranium. Dès le lendemain de l'enlèvement des employés d'Areva et de la Satom, le site d'Imouraren sur lequel travaillaient 600 employés a été déserté. Puis consécutivement à l'enlèvement, Areva a été contraint de sécuriser ses sites. L'avènement d'Areva sur le devant de la scène n'est finalement que le fruit du développement du programme nucléaire en France qui a débuté dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant la création d'Areva, les deux entreprises, Cogema et Framatome, étaient détenues en majorité par la société CEA Industrie, qui n'est rien d'autre qu'une filiale du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Ce fameux CEA a été créé par De Gaulle 3 mois après les bombardements à Hiroshima et Nagasaki. Inutile donc de se demander ce qui a motivé sa création, enfin officieusement. Autre chose intéressante, c'est ce même De Gaulle qui a placé Pierre Guillaume au ministère des Armées après sa prise de pouvoir en 1958. Après avoir contrôlé le pétrole, le nucléaire, l'électricité et la défense, Guillaume fonde en 1966 l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière, ERAP, qui débouche l'année suivante sur la création d'Alphaquitaine, dont il devient président jusqu'en 1977. Alors qu'il était administrateur au CEA, Guillaume a créé un bureau d'études générales alimenté par les services secrets. Valéry Giscard d'Estaing a d'ailleurs révélé dans ses mémoires que la France a bénéficié d'une coopération secrète avec les États-Unis pour l'élaboration de l'arme nucléaire. Le nucléaire civil n'a commencé à voir le jour sur le territoire français qu'à partir de 1952, avec la construction de 2 réacteurs. Comble de l'ironie, Félix Gaillard, secrétaire d'État à la présidence, annonce à cette occasion à la radio que les nations qui ne suivraient pas la voie du développement atomique seraient dans les 25 ans aussi arriérées face aux nations nucléaires que les peuples primitifs africains le sont face aux nations industrialisées d'aujourd'hui. Selon le site d'Areva, plus de 70% des exportations du pays depuis plus de 5 ans Le minerai d'uranium contribue à l'économie du pays en représentant une part importante du PIB et en participant aux recettes fiscales de l'État. Chaque année, le groupe verse ainsi près de 40 millions d'euros sous forme de taxes, dividendes et contributions à l'État nigérien, auxquels s'ajoutent près de 30 millions d'euros par an pour la masse salariale. C'est assez hallucinant quand on sait que le Niger est le deuxième pays le moins développé au monde selon le programme des Nations Unies pour le développement en 2011. Le bénéfice annuel d'Areva tourne autour de 770 millions de dollars, tandis que le budget du Niger est de 320 millions de dollars. Areva est un partenaire historique, mais son monopole est remis en question par l'irruption de la Chine qui convoite également les ressources minières et pétrolifères de la zone saharienne. La Chine doit s'assurer de l'approvisionnement d'une grande quantité de matières premières pour soutenir sa croissance. Aussi, c'est le 14 juillet 2006, à Niamey, que l'ambassadeur de Chine signe avec les dirigeants nigériens l'accord pour l'entrée de la CNUC, la China Nuclear Uranium Corporation, dans l'exploitation des permis de deux sites situés dans la région d'Arlit et Agadez. L'industrie minière d'exploitation de l'uranium comprend toutes les étapes qui vont de la prospection, en passant par l'extraction, pour finir par la transformation en produit transportable, le yellow cake. Il s'agit d'une poudre concentrée d'uranium de couleur jaune. Ce yellow cake fournit les centrales nucléaires en combustible. Il peut aussi entrer dans la chaîne de fabrication d'une bombe à l'uranium enrichi. La prospection comprend les étapes de demande d'autorisation, de conception et d'installation des équipements, la construction des accès pour que l'extraction puisse se faire. L'uranium peut être extrait seul ou avec d'autres minerais, du genre or, cuivre ou phosphate. Quand le site est épuisé, il est démantelé. Les sites uranifères du Niger sont administrés et gérés par deux sociétés de droit nigérien, la Somaïr et la Cominac, dont Areva est l'actionnaire principal et l'opérateur. Actuellement, Arlit est la cinquième des plus grandes mines en exploitation. Les gisements de la région d'Arlit sont de 280 km². Chaque mine possède son usine de traitement et de minerai. Depuis leur création à la fin des années 60, les deux sociétés minières ont extrait plus de 115 000 tonnes d'uranium. Les forages seuls utilisent des procédés polluants. D'un point de vue social, je cite toujours Granvaux, la ville d'Arlit est à l'image de ce qu'Areva a apporté à la région et de la relation qui unit la France au Niger. Même si le personnel d'encadrement subalterne des mines a été, pour des raisons politiques et économiques, progressivement nigérianisé, les classifications et les hiérarchies coloniales ont été reproduites et sont visibles dans l'organisation même d'Arlit, cette ville créée artificiellement en plein désert pour les besoins de l'exploitation uranifère. La ségrégation est flagrante. Dans la cité, Areva a instauré le système des collèges. Il y en a 5 en matière d'habitation. Les MAB, maisons pour agents blancs, qui sont bien nantis avec une prise en charge totale des frais, de l'énergie et de l'eau, suivent les RA, résidences africaines, destinées aux agents africains, constituées de 2 pièces étroites avec de moindres commodités. Et enfin les DA, dortoirs africains, qui sont encore moins bien nantis et qui ne bénéficient que d'un espace très réduit, dépourvu d'électricité et d'eau. Ça c'est pour ceux qui bossent. Après, Arlit compte également son nombre d'anciens nomades rescapés de la grande sécheresse de 1984 qui vivent dans les quartiers pauvres, les Bouboki, dans des conditions abominables. L'extraction de l'uranium met les travailleurs et les populations en contact avec des éléments radioactifs sur de longues périodes. Areva prétend que les précautions exigées sont respectées. Seulement nombre d'études se sont retrouvées démenties par les ONG telles que la CRIRAD ou Greenpeace. Les certifications délivrées par les bureaux d'études ne permettent pas de rendre compte de la qualité environnementale des exploitations, d'autant que l'évaluation comprend une part d'auto-évaluation qui peut facilement être falsifiée. De plus, l'exploitation des sols nécessite l'emploi de produits chimiques polluants. Après 40 ans d'exploitation, 35 millions de tonnes de déchets sont accumulés à l'air libre pour la plupart. Ces mêmes déchets sont utilisés pour remblayer les routes, voire construire des bâtiments. Des taux anormaux de radioactivité ont ainsi été relevés jusque devant l'hôpital de la Cominac et dans les rues d'Akokan avec des taux de radiation par endroit 500 fois supérieurs à la normale. Une personne passant moins d'une heure par jour à cet endroit serait exposée à une dose supérieure à la dose maximale autorisée. À cela, vous pouvez rajouter une pollution de l'eau, puis de l'air, du fait que le taux d'empoussièrement soit important dans cette région du Niger. Les conséquences d'un point de vue sanitaire sont variées, lésions, cancers, altération de la vision, leucémie, troubles du système reproducteur et digestif. En 2006, les permis d'Agébout et d'Afoudaï, qui incluent le gisement d'Imouraren, découvert 40 ans auparavant par le commissariat à l'énergie atomique, ont été octroyés à Areva, qui a aussitôt lancé les travaux de développement nécessaires à l'exploitation de ces sites. En janvier 2009, Areva a également obtenu le permis d'exploitation du gisement minier d'Imouraren et créé la société Imouraren SA en vue de son exploitation. Son capital est détenu à 66% par Areva et 33% par l'État du Niger. En décembre 2009, Areva et KEPCO se sont associés dans le développement d'Imouraren. Cet accord a permis à KEPCO d'entrer de façon indirecte à hauteur de 10% dans la société. La production prévue pour durer plus de 35 ans atteindra les 5000 tonnes par an et permettra au Niger de se placer au deuxième rang mondial des pays producteurs d'uranium en doublant sa production actuelle. Le site d'Imouraren n'est même pas encore prêt à l'emploi que les signes de pollution se font déjà sentir. Les conditions d'exploitation seront sensiblement les mêmes qu'à Arlit, à ciel ouvert donc. Une partie de la population d'Imouraren a d'ores et déjà été priée de partir, pour ne pas employer le mot expropriation bien entendu. Et vendus par les pauvres Français qui nous ont colonisés, qui ont colonisé nos ancêtres, nos pères et qui continueront à nous coloniser. Des milliers de manifestants ont défilé le 12 octobre 2013 dans la cité minière d'Arlit, dans le nord du Niger, contre le groupe nucléaire français Areva, qui exploite depuis plus de 40 ans l'uranium dans ce territoire où vivent et se déplacent traditionnellement les nomades Touaregs. Les manifestants, élus locaux et membres de la société civile auxquels se sont joints des habitants, ont défilé dans les rues de la ville en scandant des slogans farouchement anti-Areva. Les milliers de protestataires accusent Areva de polluer l'environnement et de n'avoir fait aucun cas des préoccupations quotidiennes des habitants. Eau d'irrigation et puits contaminés, déchets radioactifs entassés, air chargé de particules radioactives. La stratégie néocolonialiste de l'État français et de ses fers de lance d'affairistes ronge la terre et ses habitants. Azawa Mamam, l'un des organisateurs, dresse un bilan accablant de la présence du groupe nucléaire français sur le sol nigérien depuis près d'un demi-siècle. La population a hérité de 50 millions de tonnes de résidus radioactifs stockés à Arlit. Et Areva continue de pomper gratuitement 20 millions de mètres cubes d'eau par an pendant que la population meurt de soif. Les rues et les habitations d'Arlit sont construites à l'aide de résidus radioactifs. Et la nappe phréatique usée et contaminée s'assèche par la faute d'Areva. La manifestation qui a regroupé quelques 5000 personnes veut montrer que nous en avons assez de cette domination et de soutenir le nouveau gouvernement dans ses prochaines discussions avec Areva au sujet des ressources du pays. A précisé Azawa Mamam. Le Premier ministre du Niger, Brigi Raffini, a précisé le 6 octobre dernier que son pays allait passer au peigne fin ses contrats miniers avec Areva, jugeant le partenariat pour le moins déséquilibré. Le mouvement des Nigériens pour la justice, mené par des Touaregs, a lancé un mouvement de rébellion en février pour demander une plus grande autonomie de la région nord du pays, où est extrait l'essentiel de l'uranium nigérien. Une première rébellion Touareg avait eu lieu au début des années 90. Elle avait pris fin en 1995 par un accord de paix qui n'avait pas été totalement respecté par le gouvernement. Ce dernier refuse de négocier avec les rebelles, qu'il n'hésite pas à qualifier de trafiquants de drogue et de bandits. Un attentat-suicide avait fait le 23 mai 2013 un mort et 14 blessés parmi les employés d'Areva, tous nigériens, sur le site de la Somaïr. La production du site minier avait été suspendue, arrêtée, et n'avait pu reprendre que 3 mois plus tard, alors que le groupe nucléaire espérait ouvrir d'ici 2 ans une nouvelle mine géante à Imouraren, contre laquelle se battent les populations locales et nomades. Depuis des mois, les manifestations, notamment de jeunes, se multiplient, tant contre le renforcement des dispositifs policiers et militaires à Niamey pour protéger les ambassades occidentales, que contre les activités du lobby nucléaire français. Nous sommes très en colère. Ces barrières nous empêchent de nous rendre au centre-ville par la voie naturelle. Nos ambulances et corbillards sont obligés de faire de longs détours. A expliqué un habitant à l'AFP qu'il précise qu'ils en ont assez des tracasseries et contrôles sécuritaires humiliants. Fin 2012, l'Observatoire du nucléaire révélait que la loi de finances 2013 du Niger, alors étudiée par l'Assemblée nationale de ce pays, qui est supposé être indépendant après avoir été colonisé par la France jusqu'en août 1960, venait d'être subitement modifiée par le ministre des Finances. Cette intervention, probablement illégale, a consisté à rajouter au budget national la somme de 17 milliards de CFA, environ 26 millions d'euros, offerte au Niger par la société nucléaire française Areva, dont 10 milliards de FCFA, plus de 15 millions d'euros, directement affectés à l'acquisition d'un avion pour le président du Niger, M. Issoufou. L'organisation de veille sur le nucléaire déclarait « Il s'agit donc clairement d'une manœuvre de corruption, probablement sur le plan légal, assurément sur le plan moral, par Areva, qui entend ainsi perpétuer sa mainmise sur les réserves d'uranium du Niger pour continuer à alimenter les centrales nucléaires françaises. » Par l'intermédiaire d'Areva, anciennement la COGEMA, la France pille l'uranium du Niger depuis des décennies, s'octroyant ce minerai à un prix ridiculement bas tout en causant de graves dommages à l'environnement et en nuisant aux populations locales. Il n'est acceptable de voir Areva attribuer de son propre chef une somme au Niger comme un généreux donateur venant au secours d'un déshérité. Et ce, d'autant plus que la majeure partie de cette somme est d'ores et déjà affectée à l'achat d'un équipement de luxe et de prestige pour le président du Niger. L'opposition démocratique du Niger, regroupée dans l'Alliance pour la réconciliation nationale, avait dénoncé cette manœuvre. Le président du Niger, M. Issoufou, est un ancien directeur de la Somaïr, filiale d'Areva. Son prédécesseur, Mamadou Tandja, a été renversé en 2010. Ayant fait modifier la constitution du Niger afin de rester au pouvoir, il n'avait lui-même rien d'un grand démocrate. Mais il avait aussi commencé à résister à l'ancien colonisateur français, jouant de l'intérêt des Chinois pour l'uranium afin de faire augmenter le prix payé par Areva. Il n'est donc pas surprenant que M. Tandja ait été renversé et remplacé par un employé d'Areva. Bravo pour la France. Félicitations pour Areva. Dommage pour les Touaregs. La France se glorifie, à juste titre, de sa nouvelle victoire. Une performance qui lui a permis de signer un contrat fort alléchant avec la Chine pour la fourniture de deux réacteurs nucléaires EPR. Au mois de septembre, c'est avec la Libye que le géant du nucléaire Areva vantait ses prouesses, en promettant d'importants bénéfices au profit de la France. Quant à nous, Touareg du Nord Niger, à chaque tournant de cette implacable tourmente, la sueur froide est de mise. Il y a quelques mois de cela, je disais. Aujourd'hui, les Touaregs s'inquiètent de la distribution tous azimuts de permis de recherche et d'exploitation d'uranium sur leur territoire sans que ne soit envisagée aucune mesure de compensation visant à en amortir les conséquences. Les tribus concernées devront quitter les lieux à la recherche d'hypothétiques territoires d'attache et de nomadisation. Les ressources exploitées donnent à l'État les moyens de les combattre, les maîtriser et les réduire à l'état de réfugiés dans leur propre pays. Cet acheminement, hélas fatal, du fait de la logique géopolitique et des intérêts des uns et des autres, amputera l'humanité d'un des éléments uniques de sa richesse, la culture touareg. Une culture basée sur un code de conduite morale imposé à chacun dans la perspective d'affronter les conditions d'une vie saharienne austère et rudimentaire. La situation est d'autant plus complexe que les permis d'exploitation ont été attribués à des pays comme la Chine qui, malheureusement, n'a aucune politique de respect pour les communautés locales et encore moins pour l'environnement constituant leur cadre de vie. Leur méthode, espèce sonnante et trébuchante, intéresse en revanche les gouvernements de ce monde. C'est dans cette logique infernale qu'un conflit armé a éclaté dans le Nord Niger avec la création d'un mouvement des Nigériens pour la justice. Du fond de leur désert, ils luttent pour se faire entendre, alerter la planète et tenter de dénoncer cette situation afin de sauver ce qui peut l'être. Face à eux, l'État nigérien décide de les anéantir. Il crée les conditions d'un affrontement sans précédent. et refusent toute idée de dialogue. Les libertés individuelles sont confisquées. Les débats contradictoires sont interdits. Les radios internationales sont suspendues. Les journaux indépendants sont menacés et certains supprimés. La région Touareg est déclarée en état d'urgence et l'armée s'arroge le droit d'emprisonner, torturer et tuer au besoin sans aucune forme de procès. La communauté internationale passe sous silence cette situation contraire à la Déclaration universelle des droits humains. Le schéma qui se dessine devient très préoccupant, et même d'une extrême gravité. En effet, la partie septentrionale du Niger regorge d'impressionnantes ressources minières, uranifères et pétrolifères. Les populations, disséminées dans ce désert, sont désormais perçues comme une véritable entrave dans la perspective de l'exploitation massive de cette manne. L'énergie nucléaire, dans sa fulgurante ascension d'énergie propre, devient plus que jamais un jeu planétaire. De la même manière, la montée progressive du prix du baril rend le pétrole nigérien économiquement intéressant. Que représente une poignée de nomades totalement absents du système économique mondial devant de tels enjeux? Les grandes puissances de cette planète vont alors laisser le dictateur faire le ménage, afin de s'en prendre à l'énergie propre dans un environnement propre, c'est-à-dire dégagé de toutes ses populations. Le tour est joué. Le gouvernement nigérien et les puissances étrangères auront tiré leur épingle du jeu. 3 mois plus tard, ce schéma se confirme, inexorablement. On connaît parfaitement les conséquences néfastes des 2 permis d'exploitation octroyés il y a 40 ans à la France pour l'extraction des gisements d'uranium à Arlit et à Kokan. La population nomadisant dans cet espace a été contrainte de partir sous d'autres cieux. La faune a totalement disparu. Les nappes phréatiques sont polluées. La population fait face à de sérieux problèmes de santé publique. Cette année, l'État du Niger a octroyé 122 permis d'exploitation d'uranium. En superposant la carte du Nord Niger et les limites géographiques des concessions, on se rend compte de la catastrophe qui se prépare. Pollution des nappes phréatiques, destruction des aires de pâturage, spoliation des terres des éleveurs, élimination des puits pastoraux et bouleversement de la gestion pastorale. Qu'en est-il de la Déclaration des droits des peuples autochtones adoptée en septembre à l'ONU? Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont le crime originel serait d'habiter un Sahara, jadis inculte, mais devenu immensément riche? Souhaitez-vous vraiment que le peuple Touareg disparaisse à jamais si cela permettait à votre économie de bien se porter? Acceptez-vous de participer à travers la politique de votre pays à la mort d'une population innocente, sous prétexte que ça vous permet d'éclairer vos maisons et de cuisiner sur une plaque chauffante? Les Touaregs n'ont d'autre choix que de se battre ou disparaître. Un choix fort douloureux qui les a amenés à prendre les armes et à risquer leur vie. L'armée nigérienne, qui a le soutien matériel de la France, de la Chine, des États-Unis, vient de lancer une offensive sur l'Aïr dans le but de nous réduire au silence. Nos hommes tentent de la contenir avec des moyens bien moins importants. Nous sommes déterminés à défendre nos terres, car c'est une question d'existence. Déterminés et rassemblés, nous réussirons à empêcher à toutes ces sociétés de s'installer chez nous, sans notre consentement. Encore une fois, sont mis en balance, et de manière flagrante, la richesse matérielle et la valeur humaine. La réalité est là, inutile de se voiler la face. Lorsqu'on parle d'énergie nucléaire, comme pour le reste, on oublie souvent l'Australie, le pays down under des dépliants pour backpackers. Le continent est pourtant le 3e pays fournisseur d'uranium, derrière le Kazakhstan et le Canada. Il dispose surtout des plus larges réserves de ce métal au monde, entre 23 et 40% selon les estimations. Un immense marché qui le place au centre des convoitises. Aux grandes fins, les grands moyens. Depuis plus de 50 ans, les compagnies minières étrangères et australiennes, largement soutenues par les gouvernements successifs, mènent une guerre latente contre les aborigènes en vue d'exploiter l'uranium présent sur leurs terres. L'histoire de l'Australie est celle d'une colonisation à marche forcée, qui, d'excuses officielles en signature de traité à l'ONU, n'a jamais vraiment pu sortir des conceptions racistes qui l'ont fondée. Elle s'est développée autour du mythe de la Terra Nullius, une terre qui n'appartiendrait à personne. Les colons, évidemment, conscients de la présence de populations aborigènes, ont targué que ces peuplades étaient trop primitives pour être considérées comme les véritables propriétaires et usagers de leurs terres. De même, face à l'absence de structure hiérarchique identifiable pour les colons, le gouvernement britannique s'est contenté d'expliquer qu'il ne pouvait pas trouver un interlocuteur responsable pour discuter propriété foncière. En 1906, la première mine d'uranium est inaugurée en Australie du Sud, pour un usage médical et sous la bucolique appellation de colline du radium, Radium Hill. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend a holiday away across the sea? À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales entrent dans la course à l'arme nucléaire et s'intéressent de près aux réserves en uranium. Le gouvernement anglais et américain conclut un accord avec Canberra. Ils achèteront tout l'uranium extrait en Australie et coopéreront aux opérations d'exploitation. Dans les années 50, deux nouvelles mines sont ouvertes dans ce cadre. Rum Jungle, territoire du Nord, et Mary Catlin, Queensland. Comme Radium Hill, elles fermeront après avoir été épuisées. Toutes laissent derrière elles un désastre écologique et humain. L'Australie, Terra Nullius, terrain de jeu pour Européens, est aussi le lieu tout indiqué pour les essais nucléaires à ciel ouvert. En pleine guerre froide, c'est donc vers elle que se tourne le Premier ministre britannique lorsqu'il souhaite doter son pays de l'arme nucléaire. Des essais sont menés sur trois sites, les îles Montebello, Emu et Maralinga, à l'ouest et au sud du pays. À Maralinga, plusieurs centaines d'essais mineurs auraient été organisés, étalés sur une dizaine d'années. Négociés au plus haut niveau entre Londres et Canberra, court-circuitant le Parlement australien, ces essais sont tenus dans un secret à peu près absolu, sur les terres des peuples Pijantjadjara et Yankunijadjara, qui, sous-informés, en sont les premières victimes contaminées. Malgré le mythe d'une colonisation pacifique et sans résistance, les luttes des peuples aborigènes n'ont jamais cessé. Parallèlement aux offensives industrielles, la contestation s'est à peu près organisée. Plusieurs mouvements, initiés notamment par la main-d'œuvre exploitée du milieu agricole, ont gagné en puissance. Ils aboutissent en 1976 à la rédaction de l'Aboriginal Land Rights Act, qui reconnaît aux aborigènes du territoire du Nord le droit de disposer de leurs terres, à la condition de prouver une connexion traditionnelle avec celle-ci. Près de la moitié de la superficie de cette région revient alors aux mains des colonisés. Néanmoins, en référence à une loi de 1953 portant sur l'énergie atomique, le Commonwealth s'était garanti la propriété de l'uranium dans le territoire du Nord, y compris sur les terres aborigènes. Les aborigènes, propriétaires de leurs terres, mais non du minerai qu'elles contiennent, n'ont que le pouvoir d'autoriser, approuver ou réguler de nouvelles mines. En 2007, une série de mesures d'exception, regroupées sous le nom de Northern Territory Emergency Response, ou intervention, tombe donc à point nommé pour reprendre la main sur les terres aborigènes dans le territoire du Nord. Prétextant d'un rapport au sujet de supposés abus sexuels sur les enfants dans les communautés aborigènes, l'État fédéral envoie sur place 600 soldats. La loi contre les discriminations raciales de 1975 est suspendue. L'intervention prévoit également que des terrains soient acquis de force pour une durée de 5 ans et suspend le système de permis d'accès qui permettait aux aborigènes de contrôler l'accès physique à leurs terres. Il faut dire que la mise en place de ces mesures intervient après le refus par des communautés, dont les Yolngu, de louer leurs terres à l'État pour 99 ans en échange de la construction d'une poignée de logements. Une partie importante des ressources australiennes en uranium se situe sur 73 communautés concernées par l'intervention. Au cœur du parc national de Kakadu, dans le territoire du Nord, le peuple Mirar ne semble pourtant pas avoir saisi tout l'intérêt des bénéfices durables offerts par la mine de Ranger, imposée sur leur territoire dans les années 70. Yvonne Margaroula, une des traditionnelles owners du site, témoignait en 2005, lors d'une enquête parlementaire sur l'uranium en Australie, des ravages environnementaux, mais aussi de la destruction de son peuple, du fait de l'exploitation des ressources locales. La mine d'uranium a complètement bouleversé nos vies, amenant une ville, beaucoup de personnes non aborigènes, un accès plus facile à l'alcool et beaucoup de disputes entre aborigènes, surtout à cause de l'argent. La mine nous a aussi dépossédés de notre pays et l'a détruit. Des bras de rivière et des criques ont disparu à jamais. Là où avant il n'y avait que le bouche, il y a maintenant des montagnes de pierres empoisonnées et d'énormes trous emplis de boue toxique. Je n'aime pas me rendre à Ranger et voir ce qui est arrivé au pays de mon père. Energy Resources Australia Limited, l'actuel opérateur de Ranger Mine, s'intéresse à un autre site, Jabiluka, qui appartient également au Mirar. En 1998, en pleine période de crise du marché, due à la baisse des prix de l'uranium, une action de blocage qui a duré 8 mois et sur laquelle plus de 500 personnes ont été arrêtées a fait stopper les travaux. En 2011, les Mirar ont demandé l'inclusion de Jabiluka dans le parc national de Kakadu, ce qui rendrait impossible toute activité minière sur le site. Mais il n'est pas sûr que les aborigènes aient le dernier mot dans tous les combats. L'Australie exporte actuellement vers le Japon, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et les pressions sont énormes. Seulement un mois après l'explosion de Fukushima, Martin Ferguson, ministre des Ressources et de l'Énergie, chantait avec une ferveur redoublée les louanges du nucléaire. Il espère voir quadrupler la production australienne en uranium d'ici 20 ans et appelle les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria à revoir leurs lois prohibant les mines d'uranium et la prospection sur leur sol. En 2008, l'Australie occidentale a décidé de lever cette interdiction pour de bon. Sourde à la catastrophe nippone, les compagnies minières n'ont pas perdu de temps. Aujourd'hui, 5 mines seraient en attente de permis et 45 sites en cours d'exploration. L'exploitation des ressources naturelles d'un pays, sous couvert de missions civilisatrices ou d'aide au développement, est un discours qui, ici comme ailleurs, n'a jamais vraiment cessé d'être commode. C'est du sur-mesure pour l'industrie du nucléaire, qui n'hésite pas à se salir les mains pour imposer ses activités aussi nocives que rémunératrices, contre la volonté de populations privées de voix. Demain, ce sont les peuples aborigènes de Mukati qui risquent d'en faire les frais. Leur village a été désigné pour accueillir un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Où mieux se débarrasser des déchets de nos sociétés civilisées qu'au milieu de nulle part, dans une terra nullius habitée par personne ? Stray for every day your Christmas dreams come true. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure.